Psaume 84. Psaume des enfants de Corée, donné au maître chantre, pour le chanter sur Gittit. Éternel des armées, combien sont aimables tes tabernacles. Mon âme désire ardemment, et même il soupire après les parvis de l'Éternel, mon cœur et ma chair tressaillent de joie après le Dieu fort et vivant. Le passereau même a bien trouvé sa maison, et l'hirondelle son nid, où elle a mis ses petits, tes autels, ô Éternel des armées, mon roi, et mon Dieu. Ô, que bienheureux sont ceux qui habitent en ta maison, et qui te louent incessamment, c'est là. Ô, que bienheureux est l'homme dont la force est en toi, et ceux au cœur desquels sont les chemins battus. Passant par la vallée de Baca, ils la réduisent en fontaine, la pluie aussi comble les marais. Ils marchent avec force pour se présenter devant Dieu en Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma requête, Dieu de Jacob, prête l'oreille, c'est là. Ô Dieu, notre bouclier, vois, et regarde la face de ton loin. Car mieux vaut un jour en tes parvis, que mille ailleurs. J'aimerais mieux me tenir à la porte dans la maison de mon Dieu, que de demeurer dans les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu nous est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire, et il n'épargne aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, oh, que bienheureux est l'homme qui se confie en toi.